na kechita imsiro chap se te hangart mi mut kishe angistat korsnes na kechita na kechita imsiro chap se. Pulsasso Radio, en direct de 14h à 18h depuis la Pépinière en fête et du NJP, avec RCN, Déclic, Graffiti, RCL et Fadjet. Et oui, nous sommes toujours en direct de la Pépinière. Mathilde m'a laissé sa place, c'est donc Élise, moi-même, qui prend le relais pour cette dernière heure en direct, car oui, nous étions en direct de la Pépinière depuis 14h, où on a vu bon nombre déjà d'artistes venir sur notre petit studio mobile. Et maintenant, eh bien, je vais laisser la place à un grand moment de radio pour Valentin, notamment, qui va pouvoir nous montrer ses talents d'anglais. Hello everyone. Merci beaucoup Valentin. Et donc Flo et Chloé vont interviewer Antti Palanen. Hi. Hello. Désolée, je vais poser les questions en français et Valentin va traduire. Il se présente. Comment vous est venue l'idée de devenir un one-man band? So, why did you create a one-man band? Well, accordion has always been this kind of popular dance music instrument, so it's very nice to play with accordion. You can play the whole band by one man. Alors, ce qui lui a plu, c'est que c'est de la musique assez populaire finalement, et avec l'accordéon, il y a cette possibilité en un seul homme de faire presque tout un orchestre finalement, tout un band. Et justement, est-ce que sur scène t'es toujours tout seul ou est-ce que parfois t'es accompagné? So on stage, do you sometimes perform with someone? These solo projects, I'm always alone, but usually I work with the sound engineer or producer, but normally alone. Yeah. Normalement, il est tout seul. Alors, il travaille quand même avec un producteur, mais sur scène, il a quand même pour habitude d'être tout seul. Et quelle est l'origine de votre nom, Antti Palanen? So, what's the story behind your name? Well, that's just my Finnish normal name, yeah. Ah ouais, c'est juste un nom normal en fait, voilà, c'est finlandais, donc voilà. Je crois qu'on dit finnois d'ailleurs. Finnois, pardon, je suis meilleur en anglais qu'en français. On a eu un débat tout à l'heure avec Flo. Effectivement, donc c'est tout simplement voilà, son nom et son prénom. C'est quoi ses origines au niveau de l'inspiration dans la composition? So, what's your inspiration for create songs? The biggest... I think it's Finnish nature. I like to walk around the forest and also the coastline of Finland. I live in the western coast of Finland, so water and forest are the biggest elements for me. And also I like a lot of this kind of old heavy metal or rock music, and then I like to play also traditional music, so it's kind of mixture of nature and old heavy metal and then folk music elements. Ok, alors donc sa musique a plusieurs inspirations. La première inspiration, c'est la nature, notamment la nature finnoise. Il nous citait par exemple les forêts de la côte ouest principalement, l'eau aussi, voilà, les éléments, les forces des éléments. Et en parallèle de tout ça, le heavy metal également, voilà, un genre musical donc. Et il disait que donc, sa musique était finalement une sorte de fusion entre le heavy metal et la nature. Nature qui est d'ailleurs très très belle en Finlande. Nature in Finland. Et les deux éléments, on n'aurait pas tendance à les associer ensemble, surtout à l'accordéon, qui est un instrument de nos jours qu'on voit très rarement. Yeah, it's a little bit complicated to associate water and forest, especially on accordéon. I'm not sure for the translate accordéon. It's hard to combine to use this inspiration. Yeah, I think in forest you can find what you find in forest is old trees and rocks and this kind of solid elements of nature, and then water is the kind of it's the essence of life, you have water everywhere, so it's inside you and it's kind of this big strong element. Alors, ce qui lui plaît finalement, c'est que dans la nature, on va retrouver des éléments plutôt solides, des pierres, des arbres, voilà. Et l'eau, c'est aussi l'essence de la vie, et c'est donc ça qui lui sert d'inspiration pour composer essentiellement. But yeah, they are kind of this kind of shamanistic elements of my music, so it's very important to try to take the audience in my in nature. In a nature journey, yeah. Maybe. Yeah. Yeah. En fait, il rapproche ça finalement aux druides, au côté chaman, d'emmener aussi voilà le public dans un voyage dans la nature, voilà, de faire voyager le public. Au niveau de l'actualité, est-ce qu'il y a des projets qui sont sortis récemment ou à venir? Do you plan to release some new sounds soon? Yeah, I'm planning to release new single this year and hopefully new album next year. Yeah. Donc, et ben déjà des éléments cette année, hein, en fin d'année, et si possible un album l'année prochaine. De quelle musique êtes-vous le plus fier? Which sounds make you prouder? Yeah, it's a tough question. Hard question. Well, if you think about accordion, then the sound of air is quite important because the accordion doesn't work without air. So that's one key element also, air, which makes the sound for accordion. So accordion uses the air to get its sound. So I like the wind. Wind. Ok, donc c'est vraiment le son de l'accordéon qui le rend assez fier aussi, puisqu'ils disent voilà, sans le vent, sans l'air, il n'y a pas le son de l'accordéon qui le permettrait du coup de jouer. Alors je vais essayer de reposer la question différemment. Which music you create makes you prouder? The music you like the most makes you proud? Well, hard to say. Well, I'm proud of this modern day music. I think the day that we are living at the moment, I like this organic sounds of today and also produced sounds in music also. So, but yeah. And I'm proud of my own music, of course. Yeah, of course. We hope so. I hope, yeah. Donc oui, il aime beaucoup les musiques actuelles aussi. Et bon, nous rassurant, il est fier aussi de sa propre musique. Il trouve une musique actuellement plutôt organique, voilà, plutôt aussi instrumentale. Donc c'est ça aussi qui le rend assez fier. Au niveau de l'actualité, donc il y a un futur projet qui arrive et peut-être un album l'année prochaine, mais est-ce qu'il y a d'autres dates, d'autres concerts en France ou ailleurs? Do you already have new performances planned in France or somewhere else? Yeah, we are planning performances for the next spring and summer, but they are not quite ready yet. Yeah. So this is the final concert tonight for this year, and okay. Hopefully I'll be coming back to France next spring. Yeah. You're welcome. Donc pour malheureusement cette année, c'était son dernier concert, dernier concert en France. D'autres concerts seront prévus notamment au niveau du printemps et de l'été, mais pour l'instant rien d'officiel, donc il ne peut pas nous en dire plus, mais il est très content de jouer en France en tout cas. Est-ce que vous avez été content du coup de votre dernière date et d'être présent aussi au NJP pour une fin de saison qui, on l'espère, fut belle pour vous? Are you happy to be there to finish in France? Did you enjoy the show? Yeah, this is I like so much being in here, and it's so well. The sun is shining and it's warm, and the people are so lovely, and the food is good. So it's kind of a heaven for me to be here. Yeah. Yeah. Alors évidemment qu'il est très heureux hein, d'être en France, hein, comment pourrait-il autrement? Alors ce qu'il aime, c'est la chaleur aussi qu'il y a ici, le fait que les gens sont très aimables, très ouverts. Et il a dit que jouer ici, finalement, c'était comme jouer au paradis. Voilà, ça fait plaisir. Là, on est touché. Pour les gens qui veulent te suivre, est-ce qu'il y a des réseaux sociaux sur lesquels on peut suivre ton actualité et puis tes projets? Are you on social networks? Yeah, you can find me from Facebook and Instagram. This is my artist name. and also Twitter and YouTube. So, ok. Yeah. Donc il est sur Facebook, Instagram, Twitter et YouTube. Pour le retrouver, c'est simplement donc son nom d'artiste que je vous laisse redonner en français. Donc c'est Anti Palen, Anti A-N-2-T-I, espace P-2-A. L-A-N-E-N. Et on le rappelle pour les auditeurs qui se demandent, qui nous rejoignent peut-être, il s'agit de son prénom, tout simplement, de son nom et prénom. Tout à fait. Alors tout le monde sur scène ce soir à 20h. Avant le concert, est-ce qu'il y a un rituel que tu mets en place pour être dans de bonnes conditions? Before being on stage, do you have some habits, some rituals? Well, yeah, I try to calm my mind because it's always a bit stressful to go to the stage alone, and then I try to open my voice also because I use this special kind of throat singing technique, so I will be doing a lot of these sounds, yeah. Yeah. Yeah. Donc déjà, première chose, il se recentre sur lui-même, hein, il se concentre tout simplement avant de monter sur scène, puisque c'est plus compliqué de le faire une fois qu'on est sur scène. Et il fait tout simplement des échauffements de voix, hein, comme l'exemple qu'il vient de nous donner, pour atteindre ce timbre de voix si particulier. Parfait, donc on peut résumer que votre univers est assez proche de la nature, que vous êtes quelqu'un de simple, qui aime se recentrer sur lui et partager du coup ses bonnes ondes. C'est un peu votre objectif, l'objectif de votre musique. So you're close to the nature, it's in your music to feel the nature, to be simple, to stay simple. Yeah, it's kind of a minimalistic way to see the nature and also to hear the music. Very specific sounds and just repeating riffs and loops and this kind of organic way. So very minimalistic feeling. Alors il aime ce côté finalement minimaliste qui peuvent aussi ressortir de ses sons. Il parlait notamment de boucles, de sons qui se répètent et qui rendent la chose minimaliste. Et lui c'est aussi quelque chose qu'il apprécie effectivement dans ce genre de musique. Dernière question, est-ce qu'on aura la chance de te revoir sur une future édition du NJP? So last questions, do you plan to come again in the Nancy Jazz Pulsation? Yeah, hopefully if I get invited, I will definitely be back here, yeah. Et tout simplement, s'il a la chance d'être réinvité, il reviendra avec grand plaisir au Nancy Jazz Pulsation. Et le message est passé. Voilà, si Thibaut Roland nous écoute... Écoute très probablement. J'espère. Merci. Merci à vous. Thanks to you. Merci beaucoup. Gritos. Kitos. Kitos. Elle a même appris un mot. Non, j'ai fait un voyage en Finlande durant 2 semaines, donc j'ai pas trop dit quelque chose. C'est bien. Alors, du coup, merci beaucoup. Et puis, merci à tous les trois. Et surtout à toi, Valentin. Franchement, bravo. Tu t'es très bien débrouillé. Et donc, c'était Antti Palanen qu'on retrouve à 20h au Magic Mirror. Et on écoute un de ses titres qui s'appelle Ella, Be Alive. Mä oon pieni, vaikka tiene yuta taiyata. Avaruudes on planeetta ja mä oon siellä. Miettimässä mitä helvettiä pitäis tehdä. Pulsasso Radio, en direct du NJP de la Pep en Fête avec RCN, Déclic, Graffiti, RCL et Fadjet. Et oui, Pulsasso Radio, on est encore là jusque 18h. Allez, je vous rappelle qui on est, parce que même si Jean-Luc vient de le dire, je le redis. Il y a Radio Déclic, Radio Fadjet, Radio Graffiti, Radio RCN et Radio Campus Lorraine. Et maintenant, après avoir eu l'interview de Antti Palanen que vous pouvez retrouver ce soir au Magic Mirror, eh bien, nous allons parler un petit peu de bénévoles, parce que oui, sans festival, il n'y a pas de bénévoles de toute façon. Enfin, sans bénévoles, il n'y a pas de festival. Ça marche pas dans l'inverse, quoi. Enfin, même s'il n'y a pas de festival, il n'y a pas de bénévoles non plus. Mais... Donc, sans bénévoles, eh bien, il n'y a pas de festival. Et nous allons parler donc avec Lucie, deux bénévoles photographes. Donc, c'est Gaspard et Ivy qui vont faire l'interview. Alors Lucie, tu es bénévole photo pour les NJP. Ouais, absolument. Qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce qu'on ressent quand on est photographe dans un événement de cette ampleur? Pour le coup, plusieurs émotions en soi, pas mal de joie, parce qu'en soi, comment dire, en fait quand je me suis lancée, je pensais pas avoir le niveau à l'époque pour pouvoir faire ce style de festival. Et pour le coup, c'est ultra sensationnel de pouvoir faire des photos d'artistes aussi réputés. Donc une grande joie et beaucoup, beaucoup de fierté en même temps. Voilà. T'en fais, c'est le premier que tu fais ou t'en as déjà fait avant de la photo, du coup, d'un festival comme ça ou pour de l'événementiel? Là, ça fait la quatrième année que je fais le festival. À côté, je fais aussi le Jardin du Michel. Enfin, j'ai travaillé pour la Palette. À côté, c'est vraiment mon métier d'être photographe, pour le coup. Je me lance petit à petit. Ça fait un an en réalité que je suis vraiment photographe à mon compte. Mais voilà, j'ai un petit peu d'expérience quand même. Une envie particulière de devenir professionnel pour le Nancy Jazz Pulsation ou pour le Jardin du Michel? Envie particulière, c'est vrai que quand on arrive sur Nancy, on a quand même pas mal de rêves. Et vu que c'est quand même des festivals qui sont très réputés dans les coins, c'était déjà un petit palier à franchir pour le coup et très intéressant de les faire. D'un point de vue organisation, ça se passe comment avant de prendre des photos? Est-ce qu'il y a des trucs à prendre en compte particuliers pour ça? Ouais, bien sûr, on a beaucoup beaucoup de consignes pour le coup. En fait, chaque soir quand on arrive, on a des conditions photo. Donc on sait quel artiste veut quoi. En général, c'est souvent trois titres sans flash. On a le droit d'accéder principalement à la crash barrière. Enfin, il y a beaucoup beaucoup de règles à respecter. Et puis par la suite, on doit rendre les photos avant la fin du concert. Donc on prend les trois premiers titres sans flash. Puis en fait, on va travailler les retoucher. Et ensuite, on les envoie à la com pour que la com puisse gérer comme elle le souhaite. Ok, ok. Ça prend beaucoup de temps de retoucher des photos. Est-ce qu'il y a du stress par rapport à la deadline qui est imposée? Alors du stress au fur et à mesure ça va. Les premières années c'est vrai que pour le coup c'était très très stressant parce que c'était les premières fois que je faisais des festivals, donc voilà, forcément. Maintenant au bout de la quatrième année ça va, on en rigole et puis on se dépêche, on a fait des pré-filtres pour pouvoir s'améliorer et c'est assez cool. On a l'habitude maintenant. Comment tu sélectionnes une photo? Comment tu sais que c'est celle-là qu'il faut envoyer? Principalement, enfin, c'est les compositions, les jeux avec la lumière. On sait que le festival a besoin de beaucoup de photos de public pour justement montrer en fait la population, vraiment tous les festivaliers. Donc on sélectionne quelques portraits d'artistes, puis par la suite on fait en fait justement l'ambiance principale de la scène et on envoie le plus tôt possible. Donc des fois en fait on renvoie des photos après le festival parce que vu qu'on a une deadline qui est très très serrée, on en retouche après et on les refait par la suite. Mais voilà, principalement le public et l'ambiance. Alors j'imagine que tu n'es pas la seule photographe sur cet événement. Comment vous vous organisez? Est-ce que c'est chacun dans son coin ou est-ce qu'il y a une organisation en disant bah toi tu vas plutôt de ce côté-là, toi tu vas plutôt de ce côté-là? Alors pour le coup non, je suis pas du tout toute seule. Il y a Vincent Zobler qui est là depuis 6 ans maintenant. Il y a Sam & Max qui est là depuis 5 ans. Raphaël qui est là depuis 2 ou 3 ans si je me trompe pas. Et Jean-Mi, ça fait je sais pas combien d'années qu'il est là pour le coup. Et après en fait avant chaque festival on s'organise, on se fait un petit café, plutôt une petite bière, bon ça va. Et puis pour le coup en fait on se dit qui fait quel concert, on s'organise en fonction de qui veut faire quoi pour le coup. Et non, organisation très serrée, on sait qui est où, à quel moment et ce qu'on fait vraiment pour le coup. Tout est réglé comme du papier à musique. Absolument ouais. Et comment on devient bénévole, en tout cas pour le NJP par exemple, comment on en arrive là? Alors chacun a un peu son histoire. En soi, moi c'était un peu particulier, petite anecdote en même temps. De base, vu que je vous disais que je ne pensais pas avoir le niveau, je faisais une soirée avec des amis, on s'est mis une petite quitte. Je rappelle quand même que l'alcool est à boire avec modération. Mais voilà, en fait, dans l'idée, vu que je pensais pas avoir le niveau, on a fait un jeu. Si je perdais, je devais postuler. Si je gagnais, je postulais pas et j'étais tranquille. Finalement, j'ai perdu, donc j'ai postulé et j'ai été prise. En gros, c'est en fonction des disponibilités qu'on a. Ils regardent forcément notre portfolio. Si ça passe et qu'ils aiment bien, ils te prennent. Sinon, ben voilà. Mais lancez-vous, les gars, franchement. Parce que tu es heureuse d'avoir perdu à ce jeu. Bah, finalement, ouais, je suis carrément heureuse. J'ai bien fait de perdre pour le coup. Ah, tu m'étonnes. Tu utilises quoi comme appareil? Là, j'ai un Canon R6 avec pas mal d'objectifs. J'ai un 24-70 que j'utilise principalement qui ouvre à 2.8. J'ai un, je sais pas si vous connaissez un petit peu le. Ouais, c'est mon âge de la tête, on va dire que oui. J'ai un 70-300 quand je suis un peu trop loin et vu que je fais la taille d'un Minimoise, on en a besoin. Un 50 mm pour plutôt les photos de public dans les allées. Enfin voilà. Ça fait beaucoup de matériel. Est-ce qu'on a besoin d'avoir autant de matériel pour débuter en tant que photographe, que ça soit amateur ou professionnel? Alors beaucoup de matériel en tant que tel, non, pas forcément. On peut avoir un objectif particulier. Par exemple, si je prends l'exemple, c'est principalement mon 24-70 que j'utilise. Mais par contre, pour spécialiser, par exemple, photo de portrait, enfin très très proche, de loin, on est obligé de racheter du matériel en continu pour pouvoir s'adapter justement aux conditions lumineuses qui sont assez compliquées, enfin à des scènes particulières. Donc voilà, on peut commencer avec des petits trucs, mais par la suite quand on devient professionnel, on est obligé de monter en gamme et de raquer un petit peu son compte en banque, c'est vrai. C'est finalement un métier de passion, quoi. Faut pas trop regarder les... Enfin si, faut regarder un peu les dépenses pour pas être dans le rouge, mais non, faut pas trop regarder le prix, quoi. Ouais, effectivement, vu que c'est un métier de passion, on a tendance à beaucoup dépenser, mais après, voilà, c'est quand même un métier de passion, et je le rappelle, se lever tous les jours pour faire ça, c'est quand même un pur bonheur, donc ça va. Si le banquier m'appelle, c'est pas très grave. Et qu'est-ce que tu as pu couvrir à ce NJP? Comme ça, on pourra peut-être reconnaître tes photos sur les réseaux sociaux. Alors, pour l'instant, alors attends, je vais sortir mon agenda, ça ira beaucoup plus vite. Pour l'instant, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait Melissa Weckart et Cécile McLaurin-Salvant à Poirel, le Magic Mirror, Mélodie Gardot, un apéro jazz, Jazzy Bass, Dinos et Saya Suke, et Nita Attal, Brooklyn Funk, la soirée d'hier soir au Chap. Ce jour-là, la PEP, Eastwood du coup demain, Léon Pernet, Jan Hadid, etc. En gros, je fais tous les chapiteaux et tous les Magic Mirror, je pense, cette semaine, en soi. D'accord, bon, moi c'est bien, c'est au même endroit comme ça. Ouais, c'est ça. Il fallait courir après la salle Poirel puis revenir. Ouais, ça fera un peu. C'était un peu l'idée de début de semaine. Est-ce que du coup tu as des réseaux sociaux pour qu'on puisse voir un petit peu ton travail? Ouais, bien sûr. Je m'appelle Lucie WDL Photographie partout. Parce que mon nom de famille est un peu trop compliqué, j'ai raccourci pour que les gens puissent trouver quoi. Eh bah, très bien, bah, merci beaucoup. À moins que vous aviez d'autres questions encore. Non, c'est bon, merci. C'est tout beaucoup. Bon. On va te laisser retourner au travail. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et on va tout de suite écouter, parce que c'est vrai que là, il y a du silence, donc on va pouvoir profiter de la musique qu'on va écouter là. Brooklyn Funk Essential, The Creator has a Master Plan. Je vois Valentin se moquer, non, ça va? J'ai un moins bon accent que toi. C'est bon, ça a l'air d'être validé. C'est bon, c'est validé. Allez, on écoute ça et puis on revient tout de suite sur Pulse Assou Radio. Creator. Sasso Radio, en direct de 14h à 18h depuis la Pépinière en Fête et du NJP, avec RCN, Déclic, Graffiti, RCL et Fadjet. Et oui, nous sommes toujours en direct jusque 18h. Rejoignez-nous, il fait beau, il fait chaud, surtout dans le chapiteau. Et encore plus en ce moment au Magic Mirror, puisqu'il y a Gwendoline Absalan qui joue du folk pop réunionnais. Alors, allez-vous trémousser dessus. Et juste après, à 18h, il y aura la Daniva, donc, qu'on a reçue tout à l'heure. Et donc, ils jouent, eux, à 18h. Mais tout de suite, on va parler un petit peu du NJP. De toute façon, on parle que de ça, effectivement. Ah, c'est le thème de l'émission. Et donc du coup on va recevoir Justine Loubet, la directrice adjointe du NJP, et je laisse la place à Valentin et Clément. Ben Justine, déjà bonjour et bienvenue à Pulsasso Radio. Bonjour et merci de l'invitation. Bon, alors, première question, on est en plein dans l'actualité, ça y est, le NJP c'est en ce moment, ça se passe plutôt bien, c'est quoi ton ressenti sur cette édition? Ah bah oui, ça se passe plutôt bien, surtout quand on a le soleil, comme vous dites. Puis on fait un très bon premier début de, enfin un bon début de festival avec on annonce quelques complets, le public est ravi, on a un joli site, les équipes sont détendues, non, on est plutôt au beau fixe. Il y a un beau temps pour accompagner tout ça en plus. Voilà, oui, c'est vrai que ça faisait 2 ans qu'on n'avait pas eu de grosses pépinières en fait, et là c'est le rendez-vous et n'est pas manqué. Hein. NJP, c'est aujourd'hui, mais c'est aussi toute l'année avec plusieurs rendez-vous, comme les sessions craft, par exemple. Pourquoi proposer des rendez-vous toute l'année et pas uniquement sur cet événement ponctuel? Alors, il y a plusieurs raisons. C'est aussi l'idée de d'être présent tout au long de l'année pour notre public, et puis qu'on ne nous oublie pas, on va dire. Craft, c'est aussi aller à la rencontre d'autres publics, à d'autres endroits de la ville, être là où on nous attend peut-être pas, c'est vrai. Et puis aller toute l'année NJP, c'est aussi dans le cadre de Nancy Jazz Act, donc des actions culturelles, d'autres publics. Et puis quand on veut travailler avec des établissements scolaires ou il est plus évident de travailler au mois de mai ou au mois de juin plutôt qu'en octobre, où là il est un peu difficile de créer des projets. Donc voilà, c'est un petit peu pour ne pas s'ennuyer, même si on n'a vraiment pas le temps de s'ennuyer, pour organiser un festival comme celui-ci. Alors on viendra sur Act un peu plus tard, parce que voilà, il y a beaucoup de choses aussi au volet culturel du Nancy Jazz Pulsation. Vous avez commencé à l'aborder. Craft, ça vous permet aussi de toucher un public différent? Oui, parce que Craft, c'est presque un petit événement, on va dire, associatif, qui se retrouve aussi au niveau du centre-ville, de nos bureaux. C'était aussi d'être identifié en tant qu'association Nancy Jazz Pulsation. C'est vrai que les gens ont toujours tendance à croire que travailler à NJP, c'est ou travailler dans une structure type l'autre canal, ou travailler à la ville de Nancy. Donc là, on a vraiment nos bureaux, c'est au cœur du centre-ville. Et puis, c'est faire un lien aussi avec les partenaires. Nancy Jazz Craft, ça nous a permis de faire un lien avec le tribunal administratif, avec le collège de la Craft, avec les commerçants de la Grand Rue, et puis avec cet événement gratuit, différent avec les autres événements qui étaient organisés le même week-end. On a des plus jeunes, des familles qui passent devant nos bureaux et avec lesquelles on peut discuter. Et c'est aussi une programmation un peu différente, avec moins de têtes d'affiche, des journées gratuites et donc oui, voilà, un public, on va dire, différent, et puis qui en tout cas ne pouvait ne pas connaître NJP. Ok, et le Craft, justement, qui sera le 12, 13 et 14 mai en 2023, est-ce que la programmation, elle est déjà prête? Alors non, la programmation n'est pas prête, on est même encore en discussion de la date et de la tenue d'événements de Nancy Jazz Craft. C'est vrai que le printemps à Nancy était avant plutôt calme. Là, il y a pas mal d'événements qui se font à cette période-là. On a aussi 2023, je pense que vous le savez et le public commence à le savoir, c'est les 50 ans d'NJP. Donc voilà, on essaye aussi de réfléchir comment on va faire résonner les 50 ans d'NJP pendant le mois d'octobre, peut-être tout au long de l'année. Tout n'est pas encore bien cadré, et même on va dire Nancy Jazzcraft et la forme que celui-ci va avoir. Alors justement, tout à l'heure vous en parliez du programme ACT, qui est donc des actions que vous menez aussi tout au long de l'année. Moi je pense par exemple aux actions des quartiers musique. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette action? Oui, alors les quartiers musique, c'est une des plus vieilles, on va dire, actions culturelles de Nancy Jazz Pulsation, qui a un peu plus de 25 ans. Cette action, elle se passe sur deux territoires, le plateau de Haye et Vendeuvre. C'est des ateliers qui sont faits en partenariat avec des MJC, des structures sociales, là, notamment la MJC Massinon et la MJC Nomade, donc à Maxéville et à Vendeuvre. L'idée, c'est de travailler à des musiciens et des enfants et de leur permettre de créer 1, 2, 3 morceaux et de faire un petit concert. Donc là, on a travaillé il y a 2 ans avec Céor Univers Musical, avec une création d'instruments, et ensuite un mini concert qu'on a eu l'année dernière. Et cette année, le projet a été amplifié avec l'ajout des deux orchestres à l'école de Vendeuvre et de Maxéville. Donc là, on a eu l'occasion de voir à 16h sur la grande scène des quartiers musique plus de 70 enfants qui avaient répété chacun de leur côté depuis le mois de septembre, qui se sont retrouvés hier matin à l'autre canal pour une répétition et qui ont là nous ont fait un super concert. Donc c'est une on va dire une avant-première du concert qu'on va pouvoir retrouver à la salle Poirel au mois de mai. Et puis avec la mise en scène, les costumes ici sur la grande scène du chapiteau. C'est tout des actions comme ça qui sont développées aussi tout au long de l'année depuis 3-4 ans, avec en perspective les 50 ans du festival qu'on imaginait déjà, et la recherche de partenaires, l'ajout, parce que bien sûr toutes ces actions là on n'a pas le public pour des entrées, pour effectivement des recettes. Donc voilà, c'est là l'ajout de la Fondation Orange, en plus de la Caisse d'Épargne, qui sont venus et nous permettent de faire des actions comme ça tout au long de l'année avec des enfants et des ados. Et cette année, on en a parlé un peu plus tôt dans l'émission, il y a aussi un vrai côté autour de l'environnement, du développement durable. Je crois que c'est aussi dans ces quartiers musique un aspect qui est remis, notamment vous parliez de la création d'instruments. Il me semble que c'est avec des objets de récup, avec de la création, je ne vais pas dire issue de déchets, mais peut-être parfois de choses qu'on peut jeter et qu'on peut finalement recycler comme ça. Voilà, oui, c'est vraiment c'est comme ça qu'on a rencontré ces hors univers musical, justement dans cet esprit de construction avec des objets du réemploi. Et c'est à un moment où on les a donc rencontrés que nous est venue l'idée de travailler avec eux sur les quartiers musique, puisque ça permettait aussi de travailler avec des enfants qui n'étaient pas forcément musiciens. Donc il y avait ce côté construction, on construit l'instrument, on apprend à s'en servir, à l'utiliser, et donc ça permet de toucher plus d'enfants dans les quartiers là, et avec l'ajout là des orchestres à l'école. Voilà. Mais oui, la question de la durabilité est un projet qui nous tient à cœur depuis maintenant 2 ou 3 ans et qu'on développe avec aussi là cette année un stand durable qui est beaucoup plus amplifié sur le festival. La PEP en fait, c'est aussi un moment récurrent du festival. Elle est importante cette journée pour les NJP. Ah oui, elle est très importante, d'autant plus que là, ça faisait pas 2 ans, hein, bien sûr, avec la crise sanitaire, qu'elle avait été, on va dire, un petit peu amputée, enfin réduite en 2020, quand on a eu cette édition collector du festival. Il a fallu la réinventer, puisqu'elle est importante, parce qu'elle permet encore, là, de toucher un public qui ne vient peut-être pas sur le festival. C'est une journée gratuite, et au milieu du parc, avec aussi une programmation de beaucoup d'artistes locaux, d'artistes à faire découvrir. Et donc oui, elle est essentielle. En 2020, on l'avait donc imaginé parc en fait, c'est-à-dire d'essayer de disséminer dans la ville nos actions pour permettre de ne pas avoir des attroupements de public. Sur 10 parcs, hein, si ma mémoire voilà, est bonne. Voilà, c'est sur 10 parcs, effectivement. L'année dernière, le contexte étant un petit peu compliqué, on avait vraiment réduit avec voilà, le pass sanitaire qui était beaucoup trop compliqué et voilà, qu'on ne voulait pas imposer sur les entrées des parcs. Et cette année, voilà, on a eu l'idée peut-être de parc en fête. En fait, c'était peut-être trop ambitieux. Voilà, on garde ça en tête pour 2023. Oh, voilà. petites exclus. Effectivement. Mais voilà, non, elle est essentielle pour ça. Quand on voit là le succès de cette journée, ça fait vraiment chaud au cœur. Ça faisait 3 ans, ça avait effectivement manqué. Surtout avec ce soleil et voilà, et le sourire sur tous les gens. C'est une journée aussi qui est très transgénérationnelle. On y vient en famille, les grands-parents, les parents, les petits-enfants ou entre amis, tout le monde s'y retrouve et on touche vraiment tous les publics. C'est une journée gratuite, voilà, on en profite. Et en plus, il y a d'autres animations, on mélange les publics avec des gens qui sont là aussi pour venir se promener dans le parc, pour jouer, faire du sport, ou des gens qui viennent aussi tout simplement profiter de Campagne Art et de venir faire leurs petites emplettes et qui, ben voilà, découvrent un groupe, un concert et qu'ils iront peut-être découvrir et voir le concert plus tard. Donc oui, c'est un moment essentiel de la vie de Nancy Jazz Pulsation. Et sur une journée qui regroupe autant de publics différents, autant de personnes, combien de bénévoles sont nécessaires pour faire fonctionner tout ça? Alors sur MJP, on a 240 bénévoles qui travaillent là avec nous. Enfin, c'est un chiffre qui parle, hein, déjà. Voilà, et qui sont présents avec nous. C'est un festival qui a la particularité d'être très long, hein. On est sur 15 jours. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de bénévoles, puisque eux sont présents 4 à 5 jours, 5 ou 6 jours, ou des fois plus, puisque bien sûr, quand je parle de 10 jours de 15 jours de festival, on est 3 semaines dans la pépinière avec le montage et le démontage. Chaque soir, c'est environ 50 à 60 bénévoles mobilisés entre les différents sites. Alors ça va peut-être faire long de remercier tous les bénévoles un à un. Je pense qu'on ne finirait pas dans les temps, mais est-ce que vous avez des remerciements aussi à adresser, profiter de ce temps d'antenne pour remercier peut-être des partenaires ou certains bénévoles, certains membres de l'équipe? Non, je crois que oui, bien sûr les partenaires, il y a plein de partenaires financiers qui rendent ça possible, mais oui, pour expliquer toutes les équipes là qui ont fait un boulot merveilleux, ne serait-ce que toute la décoration, les équipes, les équipes qui ont été mobilisées de régie, les équipes techniques, les équipes de voilà, on a eu des équipes de décoration, de signalétique, des équipes là aussi amplifiées au niveau des différents stands, de prévention, de durabilité, les équipes qui travaillent au niveau de la restauration, toutes les équipes qui travaillent pour accueillir le public qui sont là. Nous, on est souvent plutôt derrière à accueillir les artistes, les équipes techniques, et finalement tous ces bénévoles qui rendent ce festival possible, convivial, et qui ont travaillé cette année à nos côtés pour rendre un site dont on est fier, pouvoir permettre une restauration, un snack super. Donc voilà, vraiment c'est plutôt un merci général à tout le staff et aux 400 personnes qui font que ce festival fonctionne aussi bien. Je pense que même nous on peut les remercier aussi de nous offrir tout ça, de nous permettre de nous offrir tout ça. Peut-être pour terminer cette interview, est-ce qu'il y a un concert qui vous a marqué cette année, ou un concert à venir que vous voulez absolument ne pas rater? Je vais garder. Alors oui, il y a des concerts à venir, mais peut-être mon petit coup de cœur qui a été de revoir le Chapelier Fou ensemble, Salle Poirel, de s'être évadé un petit peu aussi, parce que il y a effectivement c'est des artistes du coin, des artistes, des personnes qui travaillent aussi avec nous, et puis pouvoir aussi s'évader là du chapiteau et rentrer dans cette petite bulle de Salle Poirel. Moi j'ai pas l'occasion d'aller voir tous les concerts, mais de s'être évadé là sur Chapelier Fou ensemble, c'était un petit coup de cœur. Mais j'attends aussi là bientôt à 18h la Daniva, que j'ai découvert à Bourges, et que là je suis ravie de redécouvrir à 18h. Eh ben, très bien, merci beaucoup Justine Loubet, donc directrice adjointe du NJP, et merci à Clément et Valentin. Alors dans un instant, ce sera la dernière partie de cette émission de Pulsasso Radio. Et oui, on va bientôt se quitter, mais on va se quitter avec un super quiz créé par Flo. Et avant ça, on va écouter Caravan Palace, Lone Digger. We'll be right back. record spinning. You feel the rhythm going. Legs ain't got time to lay low. Your knees are bending, so it's time to get up and let go. Hey, how's it going? Can see your body moving. Don't leave the party time. Keep booty shaking, you know. Your head has no right to say no. Tonight it's ready, set, go. Baby, can you move around the rhythm so we can get with and jump around? Get us a rock and roll round. Down, down, body, body coming with the super hottie. Let's go. So hello, baby, can you move around the rhythm? Cause you know we're living in the fast lane. Speed up, it ain't no game. Just turn up all the beams when I come upon the scene. That good old sound is ringing. They don't know what they're missing. Legs ain't got time to lay low. Your knees are bending, so it's time to get up and let go. Hey, gotta miss and steady. Put down your brick, you ready. It's hot when things get messy. Keep booty shaking, you know. Your head has no right to say no. Tonight it's ready, set, go. Baby, can you move around the rhythm so we can get with and jump around? Get us a rock and roll round. Down, down, body, body coming with the super hottie. Let's go. So hello, baby, can you move around the rhythm? Cause you know we're living in the fast lane. Speed up, it ain't no game. Just turn up all the beams when I come upon the scene. Pulsasso Radio, en direct du Nancy Jazz Pulsation et de la Pépinière en Fête. Avec RCN, Déclic, Graffiti, RCL et Fadjet. Et oui, c'est déjà la fin de cette grande émission de 14h à 18h. Nous étions en direct de la Pépinière Pulsasso Radio. C'était donc 5 radios associatives. Radio Déclic, Radio Fadjet, Radio Graffiti, RCN et Radio Campus Lorraine. Et là, on est tous réunis autour de la table pour eh bien, le super quiz de Flo. On va terminer là-dessus. Oula, on m'entend en écho. Trop de son, c'est parce qu'on est trop nombreux. On est trop nombreux et bah, du coup, sans plus attendre, Flo, je te laisse la parole. Le meilleur pour la fin. J'irai pas jusque-là, mais ouais. Moi, j'irai. Question simple sur le NJP. Pour commencer, en quelle année a eu lieu le concept du NJP? 1973. Ouais. Le concept et non pas le début. 72. Non, alors j'ai 4 propositions. Est-ce que c'est 63, 69, 73 ou 79? 69. Et ils l'ont dit en cœur et c'est une bonne réponse, effectivement. Bravo. Dans quel village de Lorraine est-ce qu'a eu lieu les ont eu lieu les premières festivités? J'ai plusieurs propositions si personne ne trouve. Ouais, vas-y. Les nominés sont Lupcourt, Arrocourt, Zirocourt ou Pixérécourt. Ça finit par Zirocourt. Zirocourt. Je dirais Lupcourt, moi. Pix. Non, Zirocourt. Zirocourt une fois. Lupcourt une fois. La bonne réponse, c'est Zirocourt. Zirocourt. Je te suis vraiment, ça, c'est vraiment ici, genre? Si. Oui. Ah ouais. En quelle année le NJP est devenu le NJP? En quelle année le festival 1973. S'est nommé? Il y a 49 1973. Ans. Là, ils sont forts. C'est un peu facile, puisque l'année prochaine, c'est les 50. Ouais, exactement. Parmi les artistes suivants, lequel est passé au NJP? Ray Charles, Louis Armstrong, Hugh Jackman ou Dick Rivers? Ray Charles. D'accord, je pensais que c'était. Ok, non mais c'est bon, bonne réponse. On a des spécialistes autour de la table. Quand même. Ils sont chauds bouillants en fait. Ils ont bossé autant que moi, ils sont plus forts que moi sur le quiz là, je vais manquer de questions à la fin. En quelle année est-ce que le NJP s'est ouvert au style de musique hors jazz? Ah, c'est plus compliqué ça. 2000. J'ai plusieurs propositions. Vas-y, dis. 1973, 1979, 1981 ou 1988? 81. Moi, je vais dire 88. 88, ouais. Ceux qui ont dit 88, justifiez votre réponse. Parce que j'aime bien. C'est la date la plus loin, genre. Et c'est une fausse réponse. La bonne réponse, c'était 1981. Bien joué à ceux qui l'ont trouvé. Combien de scènes y a-t-il pour le NJP? Les grandes scènes. Pas sur la pépinière, les grandes scènes au total. Les grandes scènes. Si on compte pas les bars. Est-ce que tu as les quatre propositions? Non, parce que après je vais te demander de les citer justement. C'est-à-dire pour 3, les affiches, j'ai marqué 15 scènes. T'as dit 3, 4, 5 ou 6? Non, j'ai dit genre si jamais tu devais citer des trucs, t'aurais dit genre 3, 4, 5, 6. Ah d'accord, pas aidé, je vais vous faire des propositions. Est-ce qu'il y a 5 scènes, 7 scènes, 9 scènes ou 12 scènes? 9 scènes. 9 scènes, je pense. Moi je vais dire 5. 12. Je sais pas, je suis optimiste. C'est quoi cette réponse quand même. Rapide, Mathilde? J'ai entendu 5, j'ai entendu 9. Il fallait faire la moyenne, c'est 7 scènes. Alors, le Magic Mirror. Ouais, ça fait 1. Le chapiteau. Ça fait 2. Après, j'ai pas. L'autre canal, ça fait 3. Théâtre de Mont-Désert. Le Théâtre de Mont-Désert, ça fait 4. Ouais, Poirel, effectivement. Oui. Poirel, ça fait 5, ouais. Poirel, ça fait 5. Il en manque 2. La Manufacture. Oui. Grand Théâtre. Le Grand Théâtre et la Manu. Le Hublot. Ah, et le Hublot, ok. Est-ce que vous savez, si jamais il y a des artistes parmi vous ou des artistes qui nous écoutent, comment se nomme le tremplin du NJP? Le Nancy Jazz Poursuite. Pas du tout. J'ai trois propositions. Est-ce que c'est le Nancy Jazz Up? Est-ce que c'est le tremplin tout simplement? Ou Jazz en Folie? C'est le tremplin. C'est le Jazz en Folie, non? Non, le Jazz Up. Ouais. C'est le Jazz Up. Bienvenue. Ouais, bravo. Est-ce que vous savez combien de festivaliers au total on trouve sur le NJP, sur la quinzaine de jours qui compte le festival? T'as des propositions? Oui, tout à fait. J'ai 10 000, 30 000, 10 000, bien joué. 10 000, 30 000, 60 000 ou 90 000? 90 000. 60 000. 60 000, ouais, c'est la moyenne. 90 000 parce qu'on est trop chaud en fait. Et ouais, tout à fait, bien joué. C'est vrai? Ouais, non, c'est vrai, c'est 90 000 festivaliers. Est-ce en que tu moyenne. Les as bien comptés? Ouais, j'étais devant. Non, je te demande de les compter un par un. Faut revérifier là. Lequel de ces artistes n'est pas venu au NJP? Est-ce qu'il s'agit de Daft Punk, de Chebraled, de Michel ou de Eddie Depreto? Michel. Ouais, bah elle a répondu tac au tac, vénère en plus, bien joué. Il est au JDM lui. Il y en a qui sont venus au JDM, en fait. Baleine, ils étaient au JDM et ils sont venus au NJP et c'est la réponse à ma prochaine question, je suis un imbécile. Déjà qu'il avait Baleine. Pas... Bah, c'est quoi la question? Déjà qu'il avait la question. Allez, quel groupe de rock? Baleine. Oui, bien joué. Ouais, trop fort, mais t'as même pas attendu la fin de la question. Rock, ouais, c'était instantané. Comment s'appelle le festival intégré au NJP qui est dédié aux familles et qui s'est déroulé du 20 au 22 avril de cette année? Le Nancy Jazz Craft. C'était en mai, pardon. Nancy Jazz Craft. C'est dur à dire, non, c'est Jazz Craft. Ouais, c'est un bel exercice de prononciation. Il me reste un peu de temps à faire des questions sur les artistes de cette émission. Est-ce que vous savez, combien d'albums la chanteuse Nina Attal compte à son actif? Je sais même pas qui c'est. 5 albums. 1, 2, 3 ou 4. Donc déjà 5, c'est faux. 4. Et 4, c'est la bonne réponse. Est-ce que vous savez quelles villes de Lorraine se sont associées pour créer le concept Big Fat Band? Saint-Dié et Vendeuvre. Ouais, bien joué, Saint-Dié et Vendeuvre-les-Nancy. Est-ce que Magic tu viens de là-bas, Maline... Clément? Non, je les ai interviewés, donc... Ça aide. Mais écoutez, c'est bien. Mainline Magic Orchestra, veuillez excuser mon accent, de quelle ville est originaire le groupe? Est-ce que c'est de Barcelone, de Madrid, de Lisbonne ou de Porto? C'est un pays latin. Lisbonne. Et c'est une mauvaise réponse et une deuxième mauvaise réponse. Porto. Barcelone, c'est la bonne réponse. Et il y en a, ils ont mis tout à côté. Il me reste deux questions. De quelle ville est originaire le duo Baleine? J'ai dit qu'ils étaient lorrains, mais j'ai pas dit d'où. Metz. T'as des propositions? Nancy, Metz, Épinal. Épinal. Thionville. Épinal. Thionville. Épinal. C'est votre dernier mot? Ouais. Et bah c'est beau. Ouais. Ils sont nancéiens, c'est la fierté. Ouais. Et est-ce que vous savez que signifie l'acronyme MNNQNS du groupe qui porte ce nom? Alors je pense savoir. Oui, bah, je crois comprendre que vous savez. Je peux avoir des voyelles dans cet acronyme. Et bah, c'est justement. Scrabble, c'est mieux. Je crois que c'est le mot mannequin. Tout à fait, en fait. Ils n'arrivaient pas à se faire référencier quand le groupe s'appelait Mannequin, donc du coup ils ont dit on va garder le nom Mannequins, Mannequin en anglais, excusez mon accent, et ils ont juste retiré les voyelles pour être mieux référenciés, et ils l'ont dit tout à l'heure dans l'interview, c'était la pire idée de leur vie parce que personne n'arrive à prononcer ou à écrire le nom du groupe. Ah. C'est vrai que comme ça, de tête, je pense que je suis incapable de le réécrire correctement. Moi, je pense que tu es obligé d'écrire mannequin d'abord, ouais, et après tu réécris sans les voyelles, en espérant ne pas avoir oublié de retirer une voyelle. Tout à fait. Ben, moi, c'est la fin de ce quiz, j'ai pas compté les points, mais en tout cas, c'était bien cool parce qu'on a tous gagné. On a tous gagné, ouais, on va dire ça. C'est quoi vos règles là? Comme ça, on a tous gagné. Ouais, on a tous gagné, sauf Mathilde. Non, là, allez, la dernière question qui vaut 100 points. Eh bah, très bien, bah, merci beaucoup Flo, et puis bah, merci à tous. Donc c'était à Pulsasso Radio. Donc je vous le rappelle, on était 5 radios associatives du coin, Déclic, Fadjet, Radio Graffiti, RCN et Radio Campus Lorraine. Merci à tous de nous avoir écoutés, et surtout, eh bien, merci à tous d'avoir participé, et merci au NJP de nous avoir accueillis. À l'année prochaine. À l'année prochaine. Ciao, bye bye.